Putain, je vais l'appeler. Allô? Mgahou! Onzei! Ça va ou quoi? Ouais, ça va, alhamdoulilah, et alors? Et les frères là-bas, Moroni? Ouais, ils vont bien, ils vont bien. Ça va, alhamdoulilah. Ouais, ça va, le Mogo, toujours. Ben nous, on est toujours là, on prépare le projet Missa Souterrain, t'as vu? Partie 1. Missa Souterrain, ça tient. Ouais, ouais, on est sur la finition, ah, là, bien, t'as vu? Bien, bien, mais comment ça se fait que vous avez oublié les frères? Non, je comptais t'appeler, Bomzi, haï. Comment ça? T'es dans ce bout. Ouais, voilà, mais alors... Non, pense à faire un truc pro, ouais. Tu vois, t'es comme rien. T'inquiète, partout. T'inquiète. Pas faire comme les autres, n'importe quoi. Moi d'ailleurs, c'est ce que je voulais dire, là j'allais t'appeler pour ça. Donc voilà. Sifanye zewa saya, sidale walaya. Utijikali sebahari ngawe ulaya. Uno sina haya, beshe siswabaya. Sina naona na mne yotibalia. Sinyamize, sijilejeze. Utisisize bani hawe siria. Uzize, usilauze, ujifanise. No wababa iswa ze roho muhimu wahuze. Bihanya sanganya uhezeri uhishilie. Hambasa mbase na muhogo zirijibie. Bahatal malandi uke jinili wasubie. Wehari sale ya huzimu iwaleye. Yep, yep, eh mona cher. Bihanyo wa Moroni na Marseille. Yep, yep, o Mike Solomze. Akili ya warobine labri rose. O wabuno wa titu wa juno wa msini leo wa erewa. Mesa suterra. O wapirate no wahula. O wahuno no wahula leo wa erewa. Mesa suterra. Emo discret soli musique Marseille leo wa erewa. Mesa suterra. Marseille ujako mori duniani na Moroni leo wa erewa. Mesa suterra. Sina suputi ni pocheo chichi hindini. Fidèle au rap comme on doit rap dans mon genie. On m'a dit de ramener du classique pour mon pays. Cherche pas mon succès en baissant mon série. Je veux pas me faire furoir, je reste le même si tu es en série. Honneur à ma famille de Wanda Mambangani. Discret, c'est une histoire qui n'est pas prête de finir. Sous les musiques, c'est l'usine qui n'est pas prête de pourrir. Des projets à venir, de Marseille à Moroni. Mais ça souterrain, je vais leur fournir. Trop de bourreaux dans ce rap que je peux pas. Trop de rappeurs, c'est Yakouli qu'on se croirait dans un cirque. Dans ma tête, c'est le queen. Quand je commence à écrire dans mes textes, trop de haine que j'ai envie de les finir. M.O. Check MC, c'est pas du rap Yahushi. O Abu no wa titu wa ju no wa tsini leo wa erewa. Mesa souterrain. O Abirate no wa hula. O Abuno no wa hula leo wa erewa. Mesa souterrain. M.O. discret, soli musique Marseille leo wa erewa. Mesa souterrain. Marseille ujako mori duniani na Moroni leo wa erewa. Mesa souterrain. O Abu no wa titu wa ju no wa tsini leo wa erewa. Mesa souterrain. O Abirate no wa hula. O Abuno no wa hula leo wa erewa. Mesa souterrain. M.O. discret, soli musique Marseille leo wa erewa. Mesa souterrain. Marseille ujako mori duniani na Moroni leo wa erewa. Mesa souterrain.